بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Comme vous l'avez entendu ou comme vous avez pu le voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va commencer une série de cours liés aux erreurs du docteur Ibrahim Ar-Ruhaili. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? Premièrement, parce qu'il est important que le musulman apprenne les répliques des savants, les répliques des savants faites à tous ceux qui ont dévié. Parce que cela fait partie de la science. Cela fait partie de la science. Même le cheikh Rabi, hafidhahullah ta'ala, il dit que justement le croyant, il prend énormément de bagages lorsqu'il lit dans les livres de Roudoud, les répliques. Parce que là, il voit les erreurs que les gens, dans lesquels les gens sont tombés, il voit les répliques à ces erreurs et cela lui permet de se préserver lui-même de tomber dans ces mêmes erreurs. Et aussi donc parce que le fait que le docteur Ibrahim Ruhaili, sa fitna, c'est une fitna qui n'est pas si ancienne que cela. Et c'est aussi, il y a aussi le fait que beaucoup de fitnas qui sont venues après la sienne, elles sont liées aussi à la sienne. Et donc par rapport à cela, inshallah ta'ala, on va regarder donc les répliques des ulama quant aux erreurs de cet homme. Il y a Cheikh Rabi'a qui a écrit une réplique sur lui. Il y a aussi Cheikh Abdullah al-Bukhari, Cheikh Ubayd al-Jabiri et d'autres. Il y a eu beaucoup de répliques sur lui. Le Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala, il nous cite ici une de ses paroles, une des paroles de Ibrahim al-Ruhaili. Il dit: faqala Cheikh Ibrahim, lakin huna mas'alatun ukhra muqarraratun 'inda ahli al-'ilm. إن أهل السنة قد يحصل بينهم خلاف وهذه مسألة لا ينكر هذه مسألة لا ينكرها من كان له حظ من العلم أنه حصل خلاف واختلاف سواء في مسائل أصول الدين أو المسائل العملية. Et donc le cheikh Ibrahim, il dit: cependant, il y a un autre sujet notoire chez les gens de science, qui est que les gens de la sunna, il y a entre eux, il y a parfois entre eux des divergences. Et ce sujet, aucune personne qui a une part de science ne peut rejeter cela. Aucune personne qui a une part de science ne peut rejeter le fait que, donc peut rejeter le fait que il y a des divergences entre les gens de la sunna. Il continue et il dit: et le fait qu'il y a eu entre eux des divergences, que ça soit dans les sujets des fondements, que ça soit dans les fondements de la religion, ou alors al-masail al-amaliya, ce qui évolue ici donc les branches de la religion. Et donc il y a eu des divergences chez Ahl-Sunnah dans les fondements et dans les branches. Cette parole est une parole qui est totalement contraire à la voix des gens de la sunna, totalement contraire à la voix des gens de la sunna. Et cette parole, elle me rappelle aussi le conseil que m'a donné donc le cheikh Jaiz al-Juhani, le cheikh Jaiz al-Juhani que tous les Mulhousiens connaissent normalement. C'était une référence pendant un moment ici. À chaque fois qu'on avait une question, c'était envoyé à cheikh Jaiz al-Juhani. Pourquoi? Parce que le frère qui était ici, donc qui faisait les traductions, etc. Il avait pris ce cheikh donc comme référence. Les pèlerins, à chaque fois, fallait aller voir Jaizi al-Juhani. Cet homme, quand il y a eu la fitna à Médine, la fitna de Ibrahim al-Ruhaili, Saleh Suhaimi, Mohamed Ben Hadi, non, c'était peut-être même un peu avant Mohamed Ben Hadi, un peu avant la fitna de Mohamed Ben Hadi, il est venu me voir. On s'est croisé, il est venu me voir, il m'a dit: ya Abdelkarim, la tadkhul fil fitan bayna al mashayikh, ne rentre pas dans les fitan entre les mashayikh. Ne rentre pas dans les fitan entre les mashayikh. Fa inna al khilaf fi ahli sunnati mawjoud. Il m'a dit: car il y a la divergence chez les gens de la sunna, elle est présente. Et ensuite il m'a dit: as sahabatu ikhtalafu fil aqida. Les compagnons, Certes, les compagnons donc se sont divisés, ont divergé dans la aqida, dans la croyance. Les compagnons ont divergé dans la croyance. Aujourd'hui, on va voir les répliques des ulama quant à ce sujet, incha'Allah ta'ala. Ce qui est dommage, c'est que le Cheikh Jaiz al-Juhani ainsi que le Cheikh Ibrahim Rouhili sont des docteurs qui enseignent, sont des personnes qui enseignent à l'université islamique, dans Qism al-Aqida, donc la faculté de Aqida et Usul al-Din, les fondements de la religion. C'est leur spécialité. C'est leur spécialité. Encore une fois, d'où l'importance d'aborder ce genre de sujet. Puisqu'aujourd'hui, les gens, à chaque fois qu'on parle d'un étudiant qui va en Arabie Saoudite, c'est comme si, mashallah, il est arrivé en Arabie Saoudite, c'est obligé que c'est un salafi. Un étudiant qui va en Arabie Saoudite, c'est comme si c'est obligé que c'est un salafi. Allez, regardez les profs, Usul al-Din, la Aqida, c'est sa spécialité. Regardez les erreurs dans lesquelles ils tombent. Et ça, c'est rien encore. Je vous le dis. Ça, c'est rien encore. On n'est pas encore arrivé dans les erreurs. Subhanallah, al-Ali al-Azim, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, il faut arrêter de penser que toute personne qui va à Médine, c'est un salafi. Que toute personne qui sort de Médine, c'est un salafi. Il faut arrêter de penser qu'à partir du moment où tu as étudié là-bas, mashallah. Aujourd'hui, ils nous ont fait un groupe. Il y a un frère qui m'a envoyé dernièrement un groupe sur Telegram qui a été ouvert. Subhanallah. Un groupe pour marier les étudiants d'Arabie. C'est-à-dire que les sœurs, elles peuvent se présenter et elles proposent leur dossier afin qu'on les marie avec des étudiants d'Arabie. Yani, forcément, c'est un salafi, puisque c'est un étudiant. Franchement, les frères, je ne peux même pas vous dire, je n'oserais même pas vous dire que la majorité des étudiants qui sont à Médine sont des salafis. Ça, c'est une parole que je n'oserais pas dire. La majorité. Donc, il y a le fait déjà d'être salafi. Et ensuite, le fait, je n'oserais pas dire non plus que la majorité des étudiants qui sont à Médine sont des étudiants. Parce que ce n'est pas parce qu'il est à l'université que ça veut dire que c'est un étudiant. Il se peut que c'est il a certes sur les papiers, c'est marqué étudiant, mais c'est plus un moukim. Il est là, machallah, McDonald's, halal. Il y a les restaurants, halal, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Il perd son temps. Allez, les années, elles passent. Tu finis, tu rentres en France. C'est quoi tes bagages? Allahu a'lam. Il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup. Et donc, il faut arrêter d'être leurré par cette image qu'on a de l'université ou des frères qui sont passés par l'université. Il faut vraiment demander conseil à vos frères étudiants en sciences, demander conseil aux mécheïrs concernant les étudiants qui reviennent en France. Et aussi parce qu'il y avait un bon groupe de francophones qui étudiaient aussi chez Ibrahim Rouhili, même après les mises en garde des ulema. Et donc il faut demander. La personne, elle revient en France, t'as étudié chez qui? Il faut demander aux étudiants, il a étudié chez qui? Etc, etc. Le Cheikh Oubed, il nous dit que cette parole, elle est contraire aux paroles des montagnes de la guidée et des imams de la science et de la religion. Il nous dit quoi le Cheikh Oul-Islam, il nous témi à tarahimahullah, wa hakadha al-fiqh, innama waqa'a fihi al-irtilaf, lima khafi alayhim, bayanu sahib al-shara. ولكن هذا إنما يقع النزاع في الدقيق منه وأما الجليل فلا يتنازعون فيه والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك ولم يتنازعوا في العقائد ولا في الطريق إلى الله التي يسير بها الرجل من أولياء الله الأبرار المقربين. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, et ainsi le fiqh, la jurisprudence. Il y a eu des divergences dans ce sujet à cause du fait que donc les savants, il ne leur est pas apparu clairement donc les éclaircissements du détenteur de la législation, c'est-à-dire les preuves. Ils n'ont pas eu clairement certaines preuves, voilà pourquoi ils ont divergé. Tel et tel savant dit tel et tel, a tel et tel avis parce qu'il n'a pas telle et telle preuve. etc. Et certes, il nous dit, et certes, un nizar, donc la divergence ici, elle apparaît dans les sujets subtils, pas dans les sujets clairs. Et les compagnons eux-mêmes ont divergé dans certains de ces sujets, mais ils n'ont pas divergé dans la croyance et dans la méthodologie qui permet de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui fait que l'individu fasse partie des alliés d'Allah, des pieux et des rapprochés. Et donc Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous montre que les compagnons, ils n'ont pas divergé dans la aqida. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit: وَقَدْ تَنَازَعَ الصَّحَابَةُ فِي كَثِيرٍ مِنْ مَسَائِلِ الْأَحْكَامِ وَهُمْ سَادَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَكْمَلُ الْأُمَّةِ إِيمَانًا وَلَكِنْ بِحَمْدِ اللَّهِ لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ بَلْ كُلُّهُمْ عَلَى إِثْبَاتِ مَا نَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ كَلِمَةً وَاحِدَةً مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ. Il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, et certes les compagnons ont divergé dans beaucoup des sujets de l'ahkam, la juridiction, donc la jurisprudence. Voilà ce qui est voulu ici. Et certes, les compagnons, ce sont les leaders de la communauté, les leaders des croyants. Ce sont les meilleurs de la communauté dans leur foi. Mais cependant, par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ils n'ont pas divergé dans un seul sujet lié aux noms et aux attributs, aux actes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Au contraire, ils ont tous affirmé ce qui a été affirmé dans le livre et la sunna. Ils sont tous unis sur cela du premier au dernier. Et donc ça aussi, ça montre qu'ils n'ont pas divergé dans la aqida. Ensuite, le cheikh Ubayd, il continue. Donc, et il nous cite aussi une parole de Cheikh Hamad al-Ansari rahimahullah, qui dit: As-sahabatu lam yakhtalifu fil aqidati abadan, innama al-khilaf waqa'a ba'dahum. Il nous dit donc: certes, les compagnons n'ont jamais divergé dans la croyance, mais la divergence est venue après eux. Wa su'ilatil lajnatu da'ima hal yajuzu al-qawl إن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في العقيدة مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه في ليلة المعراج وهل الموتى يسمعون أم لا ويقول إن هذا من العقيدة. Et certes, le comité permanent de la fatwa en Arabie Saoudite, ils ont été interrogés concernant la parole d'une personne qui dit que les compagnons ont divergé dans la croyance, comme dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait vu son Seigneur durant la nuit de l'ascension. Ou alors, est-ce que les morts entendent ou pas? Ou alors, et cette personne l'a dit que ceci fait partie des sujets de la aqida. La réponse du comité permanent de la fatwa: Al-aqidatul islamiyatu walhamdulillah laysa fiha ikhtilafun bayna as-sahaba ولا غيرهم ممن جاء بعدهم من اهل السنه والجماعه. La croyance islamique, alhamdulillah, il n'y a pas dans celle-ci de divergence parmi les compagnons ni parmi ceux qui sont venus après eux et qui les ont suivis chez les gens de la sunna et du groupe. لانهم يعتقدون ما دل عليه الكتاب والسنه. Car ces gens-là, ils vont avoir dans leur croyance ce qu'implique le livre et la sunna. وَلَا يُحْدِثُونَ شَيْئًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ أَوْ بِآرَائِهِمْ. Ils ne vont pas innover quoi que ce soit venant de chez eux ou en se basant sur leurs opinions. وَهَذَا الَّذِي سَبَّبَ اجْتِمَاعَهُمْ وَاتِّفَاقَهُمْ عَلَى عَقِيدَةٍ وَاحِدَةٍ وَمَنْهَجٍ وَاحِدٍ. Et c'est cela qui a provoqué le fait qu'ils sont unis sur la même croyance et sur la même voie. عَمَلًا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى, en œuvrant avec la parole d'Allah Ta'ala. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Accrochez-vous pleinement au câble d'Allah et ne vous divisez pas. وَمِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةُ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى ثُبُوتِهَا بموجب الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة ولم يختلفوا فيها. Et certes, fait partie de cela le sujet de la vision des croyants, le fait que les croyants ils verront leur Seigneur au jour de la résurrection. Ils sont unanimes sur cela et ils l'affirment parce que les preuves du livre et de la sunna qui sont mutawatira, donc ce sont mutawatir, c'est-à-dire qu'elles sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas les rejeter. Et donc à cause de cela, ils sont unanimes dans ce sujet. Wala mi'ertalifu fiha. Et ils n'ont pas divergé dans ce sujet. وأما الاختلاف في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج رؤية بصرية فهو اختلاف في واقعة معينة في الدنيا وليس اختلاف في الرؤية يوم القيامة. Et ils disent donc, en ce qui concerne la divergence, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur durant la nuit de l'ascension par ses yeux ou pas? Alors ceci est une divergence qui concerne un événement spécifique fi dunya, mais ce n'est pas une divergence liée à la vision au jour de la résurrection, c'est-à-dire le fait que les croyants verront leur Seigneur au jour de la résurrection. Wallazi alayhi jumhuruhum wa huwa al-haq annahu sallallahu alayhi wa sallam ra'a rabbahu biqalbihi la bibasarihi. Et certes, l'avis sur lequel sont al-jumhur, la majorité d'entre eux, c'est que le prophète, et c'est l'avis le plus juste, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur par son cœur et pas par sa vue. Annahu sallallahu alayhi wa sallam lama su'ila an dhalika qal nurun anna ara. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut interrogé concernant ce sujet, as-tu vu ton Seigneur? Il a dit, une lumière, comment puis-je le voir? فَنَفَرُ يَتَهُ لِرَبِّهِ بِبَصَرِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ لِوُجُودِ الْحِجَابِ الْمَانِعِ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ النُّورِ. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré qu'il n'a pas vu son Seigneur avec donc de sa vue à cause du voile qu'il y avait, et ce voile c'est la lumière. وَلِأَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ أَحَدًا لَا يَرَى رَبَّهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا كَمَا فِي الْحَدِيثِ وَعَلَمُوا أَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَا يَرَى رَبَّهُ حَتَّى يَمُوتِ رَوَهُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي حَقِّ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالصَّحِيحَ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ بِهَذَا الْإِعْتِبَارِ. Et donc il dit, et ils sont tous unanimes sur le fait qu'aucun ne peut voir donc son Seigneur, aucun ne peut voir son Seigneur dans cette dunya comme dans le hadith, et sachez que personne ne peut voir son Seigneur avant de mourir, rapporté par l'imam Muslim. Et la divergence, elle n'est que dans le sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a vu son Seigneur fi dunya? Et la vie le plus juste est qu'il ne l'a pas vu. Wa billahi tawfiq wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Et donc ensuite, donc, ils finissent ainsi. En sachant que il y a aussi une autre explication. Donc ici, ils nous disent que ce sujet, le sujet est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur? Il nous dit que ce sujet n'est pas lié au sujet de l'aqida, le fait qui concerne le fait que les croyants, ils verront leur Seigneur, Yawm al-Qiyam. Ça, c'est un sujet dans la croyance. Et sur ce sujet, il n'y a pas de divergence. Par contre, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu son Seigneur ici-bas? Là, ils disent ça, c'est un événement qui s'est passé et il y a eu divergence sur cet événement. Et il y a d'autres savants qui expliquent, Cheikh Rabi'a, Hafidahullahu ta'ala, il dit même ça, même cet événement-là, il n'y a pas eu de divergence. Même cet événement-là, il n'y a pas eu de divergence. Pourquoi? Il dit parce que les compagnons qui disent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu son Seigneur, ce qui est voulu par là, c'est qu'il a vu son Seigneur par son cœur. C'est qu'il a vu son Seigneur par son cœur, comme cela a été cité dans certaines narrations. Et les compagnons qui disent qu'il n'a pas vu son Seigneur, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu son Seigneur avec ses yeux, de sa vue. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas de divergence sur le sujet. Et ensuite, le Cheikh Ubayd, il cite aussi: wa su'ila Cheikh Salih ibn Muhammad al-Luhaydan rahimahullah ta'ala. Et donc le Cheikh al-Luhaydan rahimahullah, il fut interrogé, il fait partie des membres donc du comité des grands savants. La question: ahsanallahu ilaykum samahatu Cheikh, هنالك من يقرر ويقول إن الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة فما حكم ذلك أفتونا مأجورين. Oh Cheikh, il y a certaines personnes qui disent que les compagnons ont divergé dans les sujets de la aqida, de la croyance. Quel est le jugement de ceci? Dites-nous et qu'Allah vous récompense, que vous soyez récompensés. Le Cheikh, il dit Astaghfirullah. هَذَا لَا يَكُولُهُ إِلَّا مُبْتَدِعٌ ضَالٌ. Il dit Astaghfirullah. Cette parole-là ne peut la prononcer qu'un innovateur égaré. يَكُولُ الصَّحَابَةُ اخْتَلَفُوا. Il dit que les compagnons ont divergé. الصَّحَابَةُ أَهْلُ عَقِيدَةٍ إِذَا وُجِدَ خِلَافٌ بَيْنَهُمْ فَإِنَّمَا هُوَ فِي بَعْدِ الْأُمُورِ الْإِجْتِهَادِيَّةِ فِي الْأَعْمَالِ وَأَمَّا فِي أُمُورِ الْعَقِيدَةِ بأن الله واحد أحد أنه السميع البصير أنه الفعال لما يريد أنه الخلاق أنه خالق كل شيء المطلع على كل شيء لا لن يختلفوا ولا يثير هذا الأمر إلا داعية فتنة إما أنه يتستر في إداء في إما أنه يتستر في ادعائه أنه من أهل الخير قد يكون عرف خيرا وصار يتحدث بالخير الذي يعرف ليوهن الناس ويجرهم إلى الباطل الذي ينجح إليه ويحرص على إشاعته إن كان من على إشاعته. Et donc il dit, il continue le cheikh en disant rahimahullah, les compagnons ce sont des gens de la croyance. S'il y a une divergence entre eux, alors cette divergence va être dans des sujets al-ijtihadiyya, dans des sujets dans lesquels il peut y avoir une divergence, des sujets dans lesquels on peut faire des efforts donc de réflexion, etc. Dans la croyance, non, dans la croyance tu affirmes ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, c'est tout. Il dit, donc il peut y avoir donc des divergences dans le sujet de al-a'mal. Donc on revient encore à al-a'mal, c'est-à-dire ce qui est voulu ici c'est les œuvres, les branches. Mais pas dans la croyance. Il dit, en ce qui concerne les sujets de l'aqida, le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le seul, l'unique, celui qui entend tout et qui voit tout, celui qui fait ce qu'il veut, celui qui a tout créé, celui qui connaît tout, ils n'ont pas divergé dans ce sujet. Et les seuls qui vont propager ce genre de choses, donc la seule personne qui va propager ce genre de choses est une personne qui appelle à la fitna. Ou une personne qui se cache en prétendant que cette personne fait partie des gens du bien. Il se peut que cette personne ait entendu, il se peut que cette personne ait connu un bien. Et donc il parle du bien qu'il a connu. C'est-à-dire qu'on revient aussi sur un sujet qu'on a déjà vu précédemment. C'est qu'un égaré, tu ne vas pas trouver un égaré qui est égaré dans tous les sujets. Tu ne vas pas trouver un égaré qui va te sortir que du faux. Il ne va pas te citer que des faussetés. Il va venir aussi avec des vérités. Comme on a dit, l'exemple du sorcier. Le sorcier, il va mentir plein de fois. Il va venir une fois avec une vérité. Et les gens, ils vont s'accrocher à cette vérité avec laquelle est venu le sorcier. Même chose pour Ahlul Bid'ah. Ils vont venir avec un sujet de vérité dans le tafsir ou un sujet de vérité dans tel sujet, etc., etc., afin de tromper les gens, et ensuite, par la suite, ils vont venir avec leurs ambiguïtés. Et donc ici, Cheikh Al-Haydan, rahimahullah, il nous dit, il se peut que cette personne ait connu quelque chose de bien, c'est-à-dire une vérité, et qu'il parle de ce bien qu'il connaît, afin de faire quoi? Afin d'affaiblir les gens, et de les attirer vers le faux vers lequel lui, il penche, et ce faux dont il s'efforce à le propager. إن كان من المغترين فليستغفر الله وليتوب وليرجع إلى أهل العلم يسألهم. Il dit, si cette personne qui dit cela fait partie des personnes qui ont été leurrées, alors qu'il implore le pardon d'Allah, qu'il se repente et qu'il revienne vers les gens de science et qu'il les interroge. وإن كان ممن يحب أن يخفي المقاصد ويغطي أهدافه فليفضح ليتوقع الناس شره. Et si cette personne fait partie de ceux qui aiment cacher les intentions et cacher les objectifs alors qu'il soit dévoilé, afin que les gens soient préservés de son mal. Afin que les gens soient préservés de son mal. Et donc, on voit clairement, barakallahu fikoum, ô chers frères, que cela ne fait pas partie de la voie de Ahl Sunna wal Jama'a. Le fait de dire que les gens de la Sunna, le fait de dire que les compagnons ont divergé dans la aqida, dans les fondements de la religion. Mais pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils nous disent qu'il y a eu divergence dans la aqida, etc., etc. Comme il dit Cheikh Rabi'a, hafizahullah, c'est pour qu'il n'y ait plus de réplique. On ne peut plus répliquer sur personne. Tu ne peux plus répliquer sur personne. Même le Jahmi, tu ne peux plus répliquer sur lui. Pourquoi? Parce que de toute façon, il y a divergence dans la aqida, khalas. Les compagnons, ils ont divergé dans la aqida, il n'y a pas eu de réplique entre eux. Donc pourquoi on va répliquer au Takfiri? Pourquoi on va répliquer au Tabliri? Pourquoi on va répliquer au Soufi? Pourquoi on va répliquer au Ash'ari? Et pourquoi on va répliquer à ci, à ça, à ça? Khalas. Et donc tout cela, c'est pour fermer la porte aux répliques. Pour fermer la porte à la science du Jar wa Ta'dil. La deuxième parole que le Cheikh Ubaid a notée est la parole du docteur Ibrahim Ruhaili qui dit Yanbari an yu'lam anna ahl as-sunnati bi haqq hum ahlul imtithal al-kamil lil-islam i'tiqadan wa sulukan wa min qusur al-fahm an yadhunna aw an yudhanna أن السني أو السلفي هو من حقق اعتقاد أهل السنة دون العناية بجانب السلوك والآداب الإسلامية وتأدية حقوق المسلمين فيما بينهم. Et donc il dit, le Cheikh Ibrahim Ruhaili, et il est important de savoir que les gens de la Sunna, en vérité, ce sont ceux qui ont une obéissance complète. Ce sont ceux qui ont une obéissance complète à l'islam et donc qui se soumettent pleinement à l'islam dans la croyance ainsi que dans le comportement. Et certes, c'est une mauvaise compréhension de penser que le sunni ou le salafi, c'est celui qui a concrétisé la croyance de Ahl Sunna sans avoir accordé de l'importance au comportement islamique et au fait de donner son droit aux musulmans. Le Cheikh Ubaid ici, il nous dit, n'est-ce pas que cette parole est claire? Alaysat sarihatan fi anna man lam yu'na bi janib as-suluk wal adab al-islamiyya wa ta'diyati huquq al-muslimin fi ma baynahum laysa bi salafi. أو أن من لم يلتزم بهذه الأمور ليس محققا للتوحيد. Il nous dit, n'est-ce pas qu'il est clair dans cette parole, donc du docteur, du Cheikh Ibrahim Ruhaili, que celui qui n'accorde pas d'importance au comportement islamique et au fait de donner son droit et au fait que les musulmans doivent se donner leurs droits mutuellement, celui qui n'accorde pas d'importance à cela n'est pas salafi. Et ensuite le Cheikh Ubaid, hafizahullah, il a répliqué à cela, donc en citant un hadith qui est long, que je ne vais pas lire en entier, qui est le hadith de Al-Bitarqa. Cet homme qui est présenté Yawm al-Qiyamah, qui n'a pas de bonnes actions. Il n'a pas de bonnes actions. Que des mauvaises actions. Mais il a une bonne action qui est Al-Tawhid. Une bonne action qui est Al-Tawhid. Et cette personne, c'est un transgresseur. Et donc il dit, Cheikh Ubaid, hafidahullah, que le Cheikh Ibrahim Ruhaili, il aurait dû respecter les paroles des savants avant lui, avant de rentrer dans un sujet qu'il ne maîtrise pas. Et ici le Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidahullah, il dit concernant la parole de Ibrahim Ruhaili, il dit, يُفْهَمُ مِنْهَا أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْإِمْتِثَالِ الْكَامِلِ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ سُنَّةِ بِحَقِّ. Il dit, on comprend de cette parole que celui qui ne fait pas partie de ceux qui se soumettent pleinement, alors ceux-là ne font pas partie des gens de la sunna en toute vérité. Tu fais des péchés, tu ne fais pas partie des gens de la sunna en toute vérité. Tu ne fais pas partie des gens de la sunna en toute vérité. Tu as des manques dans ton comportement, tu ne fais pas partie des gens de la sunna en toute vérité. Le Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidahullah, il nous cite une parole de l'imam Ahmed qui dit, Hubur ahli sunnati min ahli al-kaba'ir rawda. Les tombes des gens de la sunna parmi les adeptes, parmi les gens des grands péchés, parmi les pécheurs, ce sont donc des jardins. Wa kuburu ahli al-bid'ati min az-zuhad hufra. Par contre, les tombes des gens de l'innovation parmi az-zuhad, c'est-à-dire ceux qui sont profondément dans l'adoration, ce sont des trous, l'obscurité. Fusaq ahli sunnati awliya'ullah wa zuhad ahli al-bid'ah a'da'ullah. Les fusaq, les transgresseurs, les pécheurs parmi les gens de la sunna sont les alliés d'Allah, tandis que az-zuhad, les adorateurs, ceux qui sont profondément dans l'adoration parmi les gens de l'innovation, sont les ennemis d'Allah. Parole qu'il a citée donc dans Tabaqat al-Hanabila. Le cheikh Abdullah, il dit: أَفَأَنْتَ تَرَى أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ لَمْ يُخْرِجْهُمْ بِفِسْقِهِمْ عَنْ دَائِرَةِ السُّنَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الدُّكْتُورِ. Ne vois-tu pas que l'imam Ahmed ne les a pas sortis du groupe de la sunna à cause de leur transgression et de leur péché, comme on peut le comprendre clairement dans la parole du docteur, c'est-à-dire Ibrahim Ar-Ruhaili. وإنه لمن الخطأ الفادح إخراج من فرط في جانب الآداب والسلوك مع تحقيقه لاعتقاد أهل السنة عن دائرة أهل السنة والسلفية. Et certes, c'est une lourde erreur, le fait de faire sortir du groupe de la sunna une personne qui a des négligences dans le comportement, mais qui a concrétisé la croyance des gens de la sunna et du groupe. Et donc c'est une grave erreur. Le cheikh Rabi'a, quant à lui, il nous dit: wa ma arafna an ahli sunnati tabdi'a man yuqassiru fil akhlaq hatta wala waqa'a sunniyu fi ba'd al ma'asi la yakhruju bidhalika an da'irati sunnah. Il nous dit, le cheikh Rabi' hafidhahullah, et nous ne connaissons pas chez les gens de la sunna quelqu'un qui a taxé d'innovateur celui qui va avoir des manquements dans le comportement. Même si le sunni va tomber dans des péchés, il ne sort pas du groupe de la sunna. Il ne sort pas du groupe de la sunna. Attention les frères, barakallahu fikoum, il est important de comprendre qu'ici, dans la parole des ulama, ils ne veulent pas dire qu'il ne faut pas qu'on accorde d'importance au bon comportement. Attention, ils ne disent pas que le bon comportement, ce n'est pas important, etc. Non, le bon comportement est très important dans notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé concernant ce qui fait le plus rentrer au paradis. Il a dit « Taqwallahi wa husnul khuluq », le fait de craindre Allah et le fait d'avoir un bon comportement. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Inna afqala ma fil mizan yawm al-qiyamah husnul khuluq. Il a dit ce qui est le plus lourd dans la balance, ce qui pèse le plus lourd dans la balance au jour de la résurrection, c'est le bon comportement. Et donc le bon comportement est très important en islam. Les savants de la sunna, les savants du hadith ont beaucoup écrit sur le comportement. Ils ont beaucoup écrit sur ce sujet, tellement il est important. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est une personne qui va avoir des négligences dans le comportement. Est-ce que cette personne, on l'a fait sortir de Ahl Sunnah? Est-ce qu'on l'a fait sortir de Salafiyya? Cela, on ne l'a pas entendu chez nos salafs. Les salafs n'ont pas badder, ils n'ont pas fait sortir une personne de Ahl Sunnah à cause de son comportement. Et donc nous n'avons pas à innover une règle, un principe qui n'existait pas. Voilà le sujet donc avec lequel on va clôturer le cours d'aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et bi'idhnillah, la semaine prochaine, lundi, inshallah ta'ala, on reprend cette série de cours. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khayran.